Mes chers bien-aimés, ce que je vais dire ici te concerne, me concerne. Parce que la parole de Dieu est la vérité. Parce que personne parmi nous ne connaît ni son jour, ni son heure. On va au lit le soir, on se lève le matin. Beaucoup ne disent même pas merci à Dieu, comme s'ils étaient maîtres du souffle de leur vie. C'est une grâce si tu t'es levé ce matin. Dieu ne dort pas. Il a les regards sur les hommes. Il gère. Il est dans son programme. Parce que bientôt, la fin des temps. Quand vous regardez les hommes, qu'est-ce qu'on fait? On se lève le matin. Boulot. Les enfants vont à l'école. La femme, celle qui ne travaille pas, va au marché, faire des courses. Mon mari va manger, mes enfants rentrent le soir, ils vont manger. On se préoccupe des choses de la terre en attendant le fameux jour où on va se retrouver dans un cercueil. Certains vivent 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. La mort le frappe. D'autres ont la grâce d'aller à 80, 90 ans. Ainsi va la vie. C'est le train-train de tous les jours. Mais vous connaissez un homme, Salomon, dans le livre d'Ecclésiaste. Il a touché à tout, Salomon. Beaucoup de femmes, biens matériels, richesses, tout, manger, boire. Il a tout fait. S'habiller. Il a dit, moi, Dieu m'a béni, je vais profiter. Je veux faire la vie à fond. J'ai les moyens. Je suis roi. Les femmes sont devant moi. J'ai des serviteurs, des bœufs. Je mange ce que je veux. Je bois ce que je veux boire. J'amène au lit la fille qui me plaît. Comme je veux, je veux profiter à fond. Mais cet homme va dire, vanité des vanités, tout est vanité, tout. Oh Seigneur, et Jésus a dit, Jésus vient confirmer ce qui est sorti de la bouche de Salomon. Dans, bien aimé, dans l'évangile de Marc au chapitre 8, au verset 36. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? De son âme. Jésus ne dit pas de son corps. Jésus ne dit pas de son esprit, de son âme. Ton âme, bien-aimé. Ton âme. Il faut que tu saches. C'est très important ce que je vais te dire. À chaque fois que tu pèches, ton péché souille ton âme. Ton âme est souillée par le péché. Imaginez l'état de l'âme d'une personne qui n'est pas en Dieu, qui ne croit pas en Dieu et qui a 80, 90 ans. Quelle pourriture son âme peut. Essayez de faire une semaine, deux semaines sans se laver. Tu sens mauvais. Mais imaginez celui qui a 90 ans de vie. Tous les péchés de son itinéraire de vie souille son âme. Cette âme peut, l'âme d'un païen sent mauvais. C'est pourquoi le sang de Jésus qui coule à la croix a pour but de purifier, de laver ton âme. Pourquoi? Parce que chez Dieu, il n'y a pas de mauvaises odeurs au paradis. Il n'y a pas de mauvaises odeurs chez Dieu. Vous comprenez que toute personne qui n'a pas reçu Jésus de son vivant ne peut pas être sauvée. Ton âme sent mauvais. Tant que le sang de Jésus ne passe pas là pour la purifier, pour la laver, ça sent. Le problème, c'est que lorsqu'on est encore en vie, ton âme, ton esprit sont cachés là-dedans, dans le corps. Ils sont à l'intérieur. Tu verras l'état de ton âme quand tu sortiras du corps. C'est là que tu verras la pourriture. Tu auras honte. Quand tu vas te regarder, ça sent. Tu sens mauvais. Ton âme peut. Ton âme est pourrie de tous tes péchés. Le sang de Jésus n'est pas passé par là. Vous comprenez l'importance du sacrifice de Jésus à la croix? Parce que les mauvaises odeurs de ton âme, tu ne peux pas les amener au paradis. Il n'y a pas de mauvaises odeurs là-bas. Il faut que le sang de Jésus passe par ton âme pour le laver, pour le purifier. Jésus n'est pas venu à la croix juste comme ça. Sans Jésus, sans le sang de Jésus, il n'y a point de salut. La vie éternelle est impossible. Le royaume de Dieu, c'est impossible. Quand tu vas venir, tu es mort. Tu n'as pas reçu Jésus. Tu quittes ce corps. Et tu vois l'état de ton âme. Mon Dieu, je suis dans cet état. L'eau ne peut pas te laver. L'eau que nous avons sur terre, ça lave le corps. Mais l'eau ne lave pas l'âme. Tu es dans cet état. Pour l'éternité, tu vas aller au ciel. Les anges vont te dire, tu sens mauvais. Ne viens pas ici. Tu sens mauvais. Tu pues. C'est pourquoi je vous ai dit, une personne qui fait une semaine, deux semaines, sans se laver, sans. Mais imaginez une âme, une personne de 70 ans, 90 ans, qui n'a pas reçu Jésus et qui a connu des péchés, mensonges, ça suit l'âme. Fornication, ça suit l'âme. Injure, assassinat, tous les péchés suivent l'âme. À chaque fois que tu pèches, ton âme prend une dose de souillure. Le péché suit l'âme. Tu meurs à 55 ans. Ça fait 55 ans de saleté qui se sont accumulées sur ton âme. Tu es mort à 65 ans, à 70 ans. Ça fait 70 ans d'impureté qui se sont accumulées sur ton âme. Tu sens mauvais, ton âme pue. Ton âme pue. Il pue. Il ne peut pas aller vers Dieu avec ses mauvaises odeurs. C'est la raison pour laquelle lorsque nous recevons Jésus comme Seigneur et Sauveur, le sang de Jésus nous purifie. Le sang de Jésus ne purifie pas le corps physique parce que lui va retourner à la poussière. Le sang de Jésus purifie ton âme parce que ton âme est impure, il est sali, pur. Le péché salit ton âme. À chaque fois que tu pèches, ton âme ne fait qu'accumuler l'impureté, la souillure. Il sent mauvais. Mais tant que tu es encore dans le corps, tu ne peux pas le savoir parce qu'il est caché là-dedans. Mais le jour où tu vas mourir, tu sors de ton corps. C'est alors que tu verras l'état de ton âme. Pour le moment, ton corps physique cache l'état de ton âme. Tu ne peux pas voir l'état. Mais un jour, tu vas mourir et tu sortiras du corps. Alors, tu te verras. Tu verras l'état de ton âme. Tu verras comment ça sent. Tu verras si tu es mort à 60 ans. Il s'agit des impuretés qui se sont accumulées sur ton âme pendant 60 ans. Tu te rends compte? Imagine l'odeur que tu dégages. Je crois que même celui qui est à 20 mètres de toi sent ton odeur. D'où l'importance d'aller à Jésus. D'où l'importance de dire, Fils de Dieu, viens vers moi. Jésus, j'ai besoin de toi. Car il n'y a que son sang seul. Il n'y a que le sang de Jésus seul qui peut purifier une âme. Il n'y a que le sang de Jésus seul qui peut laver ton âme. On ne va pas vers Dieu avec une âme qui pue. On ne va pas vers Dieu avec une âme sale. La saleté, les mauvaises odeurs ne vont pas au paradis. Les anges vont te dire, toi là, toi, tu pues, ne viens pas ici, retourne. Il faut que lorsque tu es encore sur terre, tu vas vers Jésus. Le sang de Jésus va te purifier. Mais pourquoi le sang de Jésus nous purifie? Parce que notre âme était déjà souillée, il sentait mauvais. Il était souillé un peu. Il dégageait des mauvaises odeurs parce que la souillure ne fait que s'accumuler. Il faut passer par le sang de Jésus pour qu'il soit lavé. Vous pouvez faire vos messes de requiem. Lorsqu'il est mort, son âme était souillée. Vos messes de requiem ne laveront pas son âme. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Parce que c'est lorsqu'on est encore vivant, c'est sur terre qu'il faut que ton âme doit être lavée tant que tu es encore sur terre. C'est pas après. La Bible ne le dit pas. La Bible dit que lorsque la mort nous frappe, jugement de Dieu direct, tu laves ton âme ici. Écoutez, Jésus n'a jamais dit, bon, Celui qui va mourir a encore une deuxième chance. On va lui prêcher l'évangile de l'autre côté. Non! L'évangile, c'est sur terre. C'est ici, la Bible dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Le livre d'Amos, au chapitre 4, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Tu te prépares ici. C'est pas de l'autre côté. Prépare-toi. Tu passes ton temps à aller au boulot, tu penses aux choses de la vie, à l'argent, aux beaux habits, tu penses à tes boîtes de nuit, à tes soirées, mais tu ne penses pas à l'état de ton âme. Celui-là, le corps, on s'occupe trop de lui et on oublie l'état de notre âme. Il veut manger, on va faire des courses pour le nourrir. Il veut boire, on lui donne de l'eau. Chez les païens, il veut boire, on lui donne l'alcool. On s'occupe de lui, on le lave. On achète des crèmes pour l'entretenir. On veut qu'il brille. On lui frotte des crèmes. N'est-ce pas? Et pourtant, il va aller dans le cercueil, il va pourrir. On ne l'amène pas de l'autre côté, mais on s'occupe de lui. Il veut fumer. Le païen lui donne la cigarette. Il a des envies de sexe. On lui donne le sexe. Vous vous rendez compte? Il a envie de manger, on s'occupe de lui, on s'occupe de lui. Il veut rouler dans des jolies voitures. On achète la voiture pour qu'il soit dans une voiture à l'aise. On s'occupe de lui, on lui achète des beaux costumes. On lui met les beaux costumes dessus. Et pourtant, on va quitter dedans. Tu sors. Tu es sorti là-dedans. Et on prend celui-là. On a passé toute notre existence à s'occuper de lui. Et qu'est-ce qu'on fait? On le lave. On continue à s'occuper de lui, même s'il est mort. Hein. Et puis, on l'allonge dans un cercueil. On l'abîme. On continue à s'occuper de lui. Pourtant, c'est de la poussière. On le met dans un cercueil. On l'enterre. Viens ouvrir le cercueil, deux semaines après, il sent mauvais, il pue. On a passé toute notre vie sur terre à s'occuper de quelque chose qui va retourner à la poussière, mais on ne s'occupe pas de notre âme. Vous vous rendez compte? Vanité. C'est pourquoi Ecclésiaste a dit vanité des vanités. On a passé toute notre vie à le nourrir, à s'occuper de lui. Et pourtant, il va aller pourrir. C'est pourquoi Jésus dit, que servira un homme de gagner le monde entier s'il perdra son âme? Jésus n'a pas dit s'il perdra son corps. Jésus ne perd pas son temps avec le corps. Ton âme! Et le diable sait. C'est pourquoi tu vas dans des loges. Si tu veux avoir de la gloire, tu es musicien. Tu veux avoir la gloire dans le monde. Tout le monde te connaît. Satan dit, tu me donnes ton âme. Le diable n'a jamais dit, tu me donnes ton corps. Ton âme! Tu veux être un homme d'affaires. Tu veux être président. Tu veux être un grand type. On te dit dans les loges, donne ton âme. Tu vas voir un marabout, tu vas être un grand sportif, ton âme. Le diable connaît la valeur de l'âme. Et lorsqu'on est sur terre, quand on n'est pas en Jésus, parce que Jésus est la lumière, lorsqu'on n'a pas Jésus, on est dans les ténèbres. Satan contrôle tes pensées. Satan te pousse à s'occuper du corps. Alors que c'est ton âme qui est précieux. Jésus parle de ton âme. Que tu gagnes tous les biens du monde. Et ton âme, quel est l'état de ton âme? Il faut que tu saches qu'à chaque fois que tu pêches, l'âme prend la souillure. Il pue, il sent. Si aujourd'hui tu as 40 ans, si aujourd'hui tu as 25 ans, ça veut dire que 25 ans, cette âme n'a fait qu'accumuler des impuretés de tes péchés. Personne ne l'a lavé. Oh, quelle odeur! Quelle odeur il dégage maintenant! Imaginez l'odeur! Si tu as 25 ans, ça fait 25 ans que ton âme n'a pas été lavée. C'est-à-dire que toutes les impuretés de tes péchés se sont accumulées dans ton âme. Il sent déjà. Ça fait 25 ans sans prendre la douche. Imagine un homme qui fait 25 ans sans se laver. C'est ça l'état de ton âme. Il faut le sang de Jésus pour que le sang de Jésus le lave. Il n'y a que le sang de Jésus qui est capable de laver l'âme de l'homme. C'est pourquoi si tu meurs sans Jésus, ton âme n'ayant pas été lavée, avec ces odeurs-là, tu n'iras pas vers Dieu. C'est pas les messes de requiem qui changeront quoi que ce soit. Vous réalisez maintenant l'importance, la valeur du sang de Jésus. Vous comprenez maintenant la folie pour les personnes qui rejettent Jésus. Vous comprenez maintenant que sans Jésus, personne ne peut être sauvé. Parce que c'est quand tu lui donnes ta vie que son sang purifie les impuretés de ton âme. Ton âme étant lavée, tu peux maintenant aller au ciel. Vous comprenez que sans Jésus, aucun homme ne peut être sauvé. Vous comprenez que toutes les religions qui sont sur terre, qui rejettent Jésus-Christ, c'est vraiment des religions contrôlées par le diable. Jésus-Christ est incontournable pour le salut de l'homme. Incontournable. Vous comprenez que toutes les religions qui le rejettent, ce sont des religions gérées par le diable. Parce qu'il n'y a que le sang de Jésus pour purifier l'âme de l'homme. Rien d'autre. Donc toutes les religions qui écartent Jésus, oh, comme l'islam, oh, ce n'est qu'un prophète, comme l'hindouisme, oh, c'est un homme, oh, c'est Satan qui est derrière ces religions, parce que sans le sang de Jésus, l'âme d'un homme ne peut pas être purifiée, peu importe cet homme, qu'il soit européen, qu'il soit africain, qu'il soit asiatique, qu'il soit américain, qu'il soit australien, tout homme, l'eau ne peut pas laver ton âme, c'est le sang de Jésus. Donc vous comprenez que les religions qui rejettent Jésus, c'est Satan qui est derrière ces religions. Parce que Satan sait, il le sait très bien, que l'homme a besoin d'être lavé. L'âme de l'homme doit être purifiée, sanctifiée par le sang de Jésus. C'est pourquoi Satan a aveuglé. Il a créé des religions qui rejettent Jésus-Christ. Et si tu es dans une religion qui rejette Jésus-Christ, je peux te dire que la voie du ciel, du paradis, est barrée. Parce qu'avec ton âme qui pue, qui peut être péché, qui sent mauvais, parce qu'il n'a jamais été lavé, parce qu'avant la mort, il faut que ton âme soit lavée par le sang de Jésus, pour que tu sois propre. Et si tu es propre, tu peux aller vers un Dieu propre, un Dieu propre. Il n'y a pas de mauvaises odeurs au paradis. On ne va pas là-bas quand on sent mauvais. On ne va pas là-bas avec des impuretés. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu sur terre. Le sang de Jésus qui coule à la croix, c'est pour la purification de notre âme. C'est très important. Beaucoup croient qu'ils sont sauvés parce qu'ils appartiennent à une religion. Non. Donc, bien aimé, c'est très important. Tu t'occupes beaucoup de celui-là. Mais quel est l'état de ton âme? Si tu mourais aujourd'hui, ton âme est lavée. Jésus-Christ est déjà passé par là. Ou bien tu le rejettes. La balle est dans ton camp. Que Dieu te bénisse.